Vous écoutez Futur Simple sur CKRL, Valérie Levé au microphone. Petite question, vous souvenez-vous quand vous avez émis des doutes sur l'existence du Père Noël et que vous avez cessé d'y croire? Et question subsidiaire, vous souvenez-vous quand vous avez cessé de croire aux publicités? Parce que oui, nous croyons aux publicités, sinon les industriels ne dépenseraient pas des millions pour en faire. Et s'ils le font, c'est parce que nous avons une certaine dose de crédulité en nous qui nous fait croire à toutes sortes de choses, parfois aussi irrationnelles que le Père Noël. Alors, d'où nous vient notre crédulité? Y a-t-il une origine biologique? Eh bien, c'est le sujet de Cyril Barrette, professeur émérite au département de biologie de l'Université Laval. Bonjour Cyril. Bonjour Valérie. Alors, on va commencer par jouer au dictionnaire, en fait, pour tenter de définir la crédulité. Comment on peut la définir? Mais il faut dire que la crédulité, c'est pas une simple croyance. C'est comme une pathologie de la croyance, un excès de la croyance. C'est croire trop facilement, croire naïvement comme un enfant, croire... Aveuglément? Aveuglément, exactement, sans preuve suffisante, croire trop facilement. Mm-hmm. C'est comme si la croyance, je vois un peu une image de la croyance, serait comme le haut d'une pente glissante. C'est très risqué de descendre très rapidement et de tomber dans la crédulité, donc une sorte de croyance excessive. Pathologique. Oui, parce que donc la croyance, il y a des fondements, il y a peut-être raison de croire certaines choses, puis là on tombe dans la crédulité aveugle. Voilà, il y a des bonnes raisons de croire souvent, mais quand on devient crédule, là, il n'y a plus vraiment de bonnes raisons de croire, on va un peu trop loin. La rationalité nous a quittés. Voilà. Alors, en fait, avant de comprendre notre crédulité humaine à nous, est-ce qu'on peut regarder du côté des animaux? Est-ce que c'est quelque chose qui existe chez les animaux, la crédulité? C'est peut-être pas facile à étudier, d'ailleurs. C'est pas facile à étudier. On peut pas leur demander. On peut toujours leur demander, mais on n'aura pas de réponse. Je dirais d'abord que, comme l'humain est un animal, j'aime moins l'idée de dire la crédulité chez les animaux versus chez l'humain. Ouais. Donc, chez les autres animaux, on a quelques observations qui nous donnent des indications qui sont parfois crédules. Oui. Un des exemples que j'aime bien, c'est on connaît le cas des oiseaux qui font semblant d'avoir une aile cassée. Ah oui. Pour éloigner un prédateur, un renard, par exemple. Du nid. Ouais. Alors, par exemple, on fait semblant d'avoir l'aile cassée, comme on était en péril, qu'on allait être facile à attraper. Puis le renard essaie de l'attraper. Mais évidemment, là, il se fait prendre et l'oiseau s'envole. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que l'oiseau peut faire ça à répétition. Et l'animal se fait prendre à chaque fois. Il apprend pas. Peut-être une de mes idées là-dessus, c'est que le mensonge, c'est une sorte de mensonge, si on veut, une sorte de leurre. Et comme le mensonge est trop rare, la sélection naturelle n'a pas programmé l'animal pour résister au mensonge. Donc, il se fait avoir à chaque fois. Donc, il est très, très crédule. Et ça devient risible de voir que, fois après fois, un animal comme un renard qu'on considère relativement rusé, ici, il se fait prendre à chaque fois. Donc, c'est un exemple de crédulité. Donc, ça indique que la crédulité existe, qu'un animal peut être trompé. Puis, est-ce que c'est la même chose qui se produit quand un animal perçoit qu'il y a peut-être un prédateur dans un buisson? Puis, en fait, il n'y en a pas, mais bon, il préfère prendre la fausse alerte comme étant l'alerte qu'il y a vraiment quelque chose et il fuit. Oui, voilà. Ça, c'est un exemple que j'aime bien. Si on veut comparer la crédulité ou la croyance chez un animal, un animal non humain, versus le doute ou le scepticisme chez le scientifique. Si on se met à la place d'un chevreuil dans la forêt, en Asie, par exemple, où il y a des lions, des tigres et des léopards, à chaque fois qu'un cerf, par exemple, perçoit un bruissement dans le feuillage ou il voit un frémissement des feuilles, c'est pas une bonne idée pour lui de douter. De douter de ce... Puis de se dire, c'est peut-être juste un écureuil qui vient de passer ou c'est un coup de vent. Il est mieux de croire à chaque fois, même si ça le force à être en vigilance constante et à fuir constamment, alors que dans la grande majorité des cas, il n'y en a pas de léopard derrière le buisson. On pourrait penser que c'est une perte d'énergie inutile. C'est une perte d'énergie inutile, c'est un coût. Il y a un coût important à payer parce que c'est la vigilance et il est constamment... sur ses gardes et il fuit dans la plupart des cas pour rien. Mais ce prix-là, ce coût-là est inférieur à perdre sa vie s'il croit une fois. S'il doute une fois de la présence. S'il fait comme s'il n'y en avait pas, s'il se dit « Ah, ben il n'y en a peut-être pas aujourd'hui, c'est peut-être juste un écureuil, je vais faire comme si... » C'est le vent. Puis je vais sauver un peu d'énergie, mais il peut perdre sa vie. Ouais. Donc, il y a une asymétrie dans les coûts entre trop croire ou trop douter. Ouais. Le chevreuil ne peut pas se permettre de douter. Alors que si on arrive dans le cas du scientifique, mais le scientifique, lui aussi, il y a des choses qui se cachent dans le buisson. les causes des phénomènes sont souvent cachées, les phénomènes sont trompeurs. On a l'impression que le soleil tourne autour de la Terre, que les continents ne bougent pas, etc. Oui. Le scientifique, s'il veut s'approcher de la vérité, il n'a pas le choix, lui, il faut qu'il aille voir dans le buisson. À chaque fois, même si ça lui coûte beaucoup de travail, il est obligé d'aller voir. Ouais. Donc là, pour le cerf, pour l'animal, vaut mieux être le doute serait mortel finalement. Le doute et serait donc, mortel. Vaut mieux être crédule. Vaut mieux être crédule. Pour le cerf, la crédulité ou la croyance, c'est une assurance vie. Oui, c'est ça. Ouais. Pour le scientifique, si on fait l'analogie, le fait de douter est une assurance vérité. Oui. Ben, on va peut-être revenir un peu plus tard aux scientifiques, parce qu'il y a quand même... La crédulité existe quand même chez les humains, particulièrement chez les jeunes. Oui, absolument. Et c'est un caractère qui est extrêmement important. Si on y pense, la crédulité est indispensable pour que l'enfant puisse apprendre quoi que ce soit. S'il ne croit pas ce qu'on lui raconte, il va être obligé d'apprendre par ses propres moyens, par essai et erreur ou par imitation. Ah oui, il va passer du temps. Il va passer beaucoup de temps et ça peut être très risqué. S'il va vérifier si un lion est vraiment dangereux ou si les crocodiles sont dangereux ou si c'est dangereux de marcher en haut d'une falaise, c'est mieux d'écouter les autres. Oui. Donc, mais il faut qu'il y croit. Donc, il doit être crédule. La crédulité chez l'enfant est indispensable à l'apprentissage et à l'enseignement. Mm-hmm. Parce que sinon, si on ne croit pas le prof, si on ne croit jamais le prof, on ne peut pas apprendre. L'enseignement est complètement banni. Oui. Alors, vous disiez, le mensonge n'existe pas dans la nature. Mais le mensonge est rare. Est rare dans la nature. Mais donc, est-ce qu'il y a la même chose chez l'humain? Parce que si on croit notre professeur, notre parent, est-ce que c'est corrélé, c'est associé à une vérité qui doit sortir de la bouche de nos parents ou nos enseignants? On fait comme si. C'est plus payant de faire comme si que de douter. Okay. Parce que si l'enfant doute ou si l'enfant est trop sceptique dès le bas âge, c'est la négation de l'enseignement. Là. On ne peut plus vraiment enseigner, ni l'enseignement par les parents ou par les pères ou par les enseignants réguliers. Donc, la crédulité est très importante pour permettre l'apprentissage et l'enseignement. Mmh. Et est-ce que dans les sociétés plus anciennes, est-ce qu'il n'y avait pas aussi un besoin de croire aussi ce que disaient les aînés aussi? Parce que finalement, c'est eux qui avaient la culture et qui étaient transmises de génération. On n'avait pas de livres. Avant l'invention de l'écriture, l'écriture, ça date d'à peu près 5000 ans, donc, et notre espèce date de peut-être 200 000 ans. Donc, pour 97 ou 98 de l'histoire de l'humanité, il y avait seulement la transmission par la tradition orale. Oui. Donc là, il fallait les vieux étaient très précieux. Ils étaient, comme tu dis, le dépositaire des savoirs, des savoir-faire, de la culture, des rites, etc., de toutes les connaissances. Donc là, il fallait les écouter, il fallait les croire. Sinon, on ne pouvait encore là rien apprendre. Donc dans ce contexte-là, qui est le contexte de au moins 95% de l'histoire de notre espèce, donc ça nous a modelé profondément, cette circonstance-là, il faut faire confiance aux gens. Mm-hmm. Si on ne fait pas confiance, on ne peut pas avoir une vie civilisée en société. Mm-hmm. Si chaque fois que je rencontre quelqu'un qui me dit son nom, je vais faire une enquête de police pour vérifier si c'est vraiment son nom, on ne peut plus vivre en société. Ouais. Donc, il faut faire un minimum de confiance. Donc là, la crédulité n'est pas utile seulement chez les enfants pour l'apprentissage et l'enseignement, mais c'est très utile pour avoir une vie sociale... Mm-hmm. équilibré et performant. Est-ce que c'est un trait de caractère qui aurait été sélectionné, retenu au cours de l'évolution? Mon opinion est oui. Oui. Mais c'est le genre d'affirmation qu'on peut pas vérifier. Ouais. On peut pas faire des expériences comme avec les mouches à fruits ou comme les souris ou comme les bactéries. Mais le fait que la crédulité soit si naturelle chez les enfants et si répandue chez les adultes m'amène à la conclusion que c'est naturel, c'est programmé, c'est instinctif, comme on disait dans le passé. On n'a pas besoin d'enseigner à un enfant de croire ce qu'on lui raconte. C'est spontané. Il a de bonnes raisons de croire. D'abord, il ne connaît à peu près rien. Et il a de bonnes raisons de faire confiance aux adultes qui sont autour de lui. Sa seule survie, son existence même, témoigne du fait qu'il a de bonnes raisons de faire confiance à la plupart des adultes, parce que sans les adultes, il ne pourrait pas exister, il ne survivrait pas. Mm-hmm. Donc, il a de bonnes raisons de croire. Donc, ça m'amène à conclure que, en tout cas, c'est une hypothèse qui me paraît plausible, plausible, c'est que la crédulité, c'est naturel, c'est programmé, mm-hmm. c'est instinctif. Mm-hmm. Ça fait partie de l'animal humain. Mais on comprend qu'il y avait certaines raisons, un certain avantage à la crédulité. Bon, pour les enfants qui doivent apprendre de leurs parents, dans les sociétés peut-être plus restreintes, des petites communautés où on faisait confiance à notre clan, finalement, peut-être moins au clan d'à côté, là, ça c'est peut-être une autre affaire. Ouais. Mais dans notre vie moderne, les adultes, est-ce que des fois, est-ce que c'est toujours un avantage d'être crédule? Non, c'est là que la difficulté arrive. C'est qu'il faut avoir un esprit critique, il faut avoir du scepticisme, il faut douter, mais d'une façon équilibrée. Il n'est pas question de remplacer la crédulité de l'enfant par un scepticisme absolu et mm-hmm. radical qui nous fait tout rejeter ce qu'on entend autour. Mais c'est sûr que dans si on compare à 95% de l'histoire de l'humanité, encore une fois, où on était dans un petit groupe d'une centaine ou 200 individus, tous reliés par la parenté ou les ouais. mariages, dans ce contexte-là, c'était très important de faire confiance aux autres. Et pour l'harmonie à l'intérieur du groupe mm-hmm. et ultimement pour le succès de chacun des individus. C'est un peu comme chez les espèces animales qui ont des cris d'alerte pour prévenir ouais. de l'arrivée d'un prédateur. Ah, oui. Ces cris d'alerte, à chaque fois qu'il y a un cri d'alerte, les autres membres du groupe font confiance et ils croient, ils sont crédules. S'ils se mettent à douter, ça devient dangereux pour tout le monde. Donc, on a une certaine crédulité. On fait confiance aux autres membres du groupe parce que aujourd'hui, c'est l'autre qui fait un cri d'alarme. Demain, ce serait moi et c'est important ouais. que les autres me croient. Donc, ouais. il y a une sorte d'altruisme réciproque là, ouais. qui fait que pour entretenir l'harmonie dans le groupe et la survie des individus, il faut croire. Mais comme tu le suggérais juste avant, c'est pas la même chose pour les clans voisins qui sont des compétiteurs. Donc, et dans la vie moderne d'aujourd'hui, dans nos conditions de ville où on côtoie chaque jour des centaines d'individus qu'on connaît pas, oui. Avec qui on n'a jamais interagi, puis on n'interagira jamais une deuxième fois si on interagit une fois, là, on a de bonnes raisons de se méfier. C'est ça. On a de bonnes raisons de cultiver le doute. Voilà, exactement. Donc, peut-être que c'est plus facile de faire confiance à notre prochain, notre voisin, parce qu'on le connaît, ou notre chef de village, parce qu'on le connaît, mais dans un monde moderne, dans une ville moderne, où on est des milliers, on peut pas, finalement, on peut peut-être plus appliquer cette crédulité aveugle. Non, absolument pas. Ça devient extrêmement dangereux de le faire. Et puis, pourtant, on en voit des manifestations de la crédulité quand on croit, je ne sais pas, toutes sortes de charlatans, aux publicités. On se fait vendre des voitures pas croyables pour aller au bout du monde alors qu'on n'ira jamais plus loin que notre ville. En tout cas, il y a comme un équilibre, il y a comme une contradiction. Là. On n'y croit pas vraiment à la publicité. On ne croit pas vraiment que la voiture qu'on nous présente est la meilleure puis qu'elle est durable. Et puis... Ben, d'une certaine façon, ça doit marcher un petit peu, sinon... Ça marche un petit peu. On vient exploiter. Notre crédulité, c'est une sorte de ressource inépuisable qui est exploitée par les marchands, un peu plus ou moins honnêtes, par les promesses des politiciens, par les recruteurs des sectes, qui jouent beaucoup sur la crédulité. Et quand on analyse des gens qui ont été recrutés dans des sectes et qui s'en sont sortis, puis qu'on écoute leurs témoignages, on n'en revient pas, on est estomaqué de la crédulité. Mais cette crédulité a été exploitée dans un moment de vulnérabilité ou peu importe. Ah oui. Donc, la crédulité est toujours là. Et encore une fois, dans la vie moderne d'aujourd'hui, turbulente, chaotique, anonyme, il vaut mieux cultiver le doute la crédulité. Oui. Et qu'est-ce qui ferait qu'on aurait gardé, nous adultes, une certaine crédulité de notre passé enfantin? Bien, c'est que la crédulité, c'est payant. Y compris à l'âge adulte. Ouais. Alors, ça permet, encore une fois, comme on disait, de vivre en société d'une façon harmonieuse. Ça permet de jouer toute notre vie. C'est un des caractères de l'humain adulte, c'est la propension à jouer. On aime beaucoup jouer les jeux vidéo. C'est vrai. On aime beaucoup la fiction, les films, etc., et les romans. Ah oui. Et on fait comme si on y croyait. On sait bien que c'est pas vrai. Là. On va voir un film de science-fiction, comme on dit. Ben, on sait que c'est pas vrai, mais on joue le jeu d'y croire. Donc c'est là, c'est notre crédulité enfantine qu'on fait ressortir, et ça nous amuse de croire. Oui, c'est vrai. Ah ouais. Mais est-ce que c'est parce que je me souviens qu'une fois dans une autre chronique, vous aviez parlé de néothénie, que finalement l'homme est un animal néothénique dans le sens où il a conservé à l'état adulte des caractères enfantins. Voilà, c'est ça. Il y a un grand nombre de caractères. Même si on regarde au niveau de l'anatomie, on ne peut pas le montrer à la radio, mais si on compare un jeune chimpanzé un tout petit chimpanzé proche de la naissance, donc il y a un an ou deux, disons, par rapport à nous et un adulte chimpanzé, le petit chimpanzé ressemble beaucoup plus à un humain adulte qu'à un chimpanzé adulte. Ouais. C'est que le petit chimpanzé a des caractères au niveau du crâne, au niveau de l'anatomie en général, qui sont des caractères de juvénile chez le chimpanzé. Puis ces caractères, on les retrouve chez les enfants humains, mais la différence, c'est que nous, on les conserve toute notre vie. Ouais. Donc, des caractères anatomiques, un cerveau plus gros par rapport au corps, ah, oui. un front qui est vertical, des arcades sourcilières qui sont réduites, des très petites canines, etc., etc. Il y a toute une série de caractères anatomiques. Et dans le domaine des caractères comportementaux, mais la crédulité en est un. Ah oui. On a conservé, et c'est très utile, entre autres, pour faire de la science, parce que c'est la crédulité qui et l'imagination et la curiosité. C'est vrai. Ça, c'est des caractéristiques d'enfants. La propension à poser des questions, il n'y a pas de meilleur poseur de questions, oui. si on veut, qu'un enfant qui a une infinité de questions, particulièrement des questions pourquoi. Ça permet de faire de la science. Donc, il ne faut pas bannir complètement la crédulité, il faut la discipliner. Oui. Ben, justement, venons-en à ce scientifique. Vous vouliez en parler tout à l'heure, que donc dans le cas du cerf, je ne me souviens plus vraiment, il avait... la crédulité était son assurance vie. Oui. Mais dans le cas du scientifique, c'est le doute qui est une assurance vérité. C'est le doute qui est une assurance vérité. L'assurance vérité. Alors, si on donne des exemples, par exemple, d'une façon générale, si au Moyen Âge, personne n'avait douté des théories qu'on avait pour expliquer les différents phénomènes, bien, on serait encore au Moyen Âge. Si, oui. si la science a évolué, c'est qu'il y a des gens qui ont dit, c'est peut-être pas vrai, ça. Puis c'est encore, ce doute-là, en science, est encore tout aussi important. Si on pense à des exemples relativement récents, les chercheurs, par exemple, sont arrivés à affirmer qu'ils avaient démontré que les neutrinos pouvaient se déplacer plus vite que la lumière. C'est absolument incroyable, ça, comme découverte ou comme affirmation. Ça remettait en question des grands pans de la physique. Oui. Être crédule devant cette affirmation-là nous aurait incité à la croire tout de suite. Oui, On aurait fait fausse route. On avait une bonne raison de douter. Oui. Et les gens ont douté, il y a plein de gens qui ont douté, qui ont remis en question l'affirmation. On a essayé de répéter les mesures, de répéter l'expérience, puis on s'est rendu compte qu'on s'était trompé. Donc, le doute était une assurance vérité. Mm-hmm. Et c'est vrai pour la fusion à froid. Il y a plusieurs années, il y a des chercheurs réputés, là, c'est pas des charlatans, qui nous disaient qu'ils avaient réussi à faire de la fusion atomique à froid. Oui. Puis, c'était encore là, absolument fabuleux comme affirmation. Mais parce qu'on en a douté, on a démontré que ce n'était pas vrai, mais on s'est rapproché de la vérité, on a évité une erreur. Mm-hmm. Est-ce que c'est la même chose qu'on observe avec les juges dans le milieu judiciaire? Oui, j'aime bien faire ce rapprochement-là, parce que dans le milieu judiciaire, l'approche qu'on utilise dans une cour de justice est exactement la même qu'en science. Au point de départ, si on te pose la question, est-ce que l'accusé est coupable? On fait tout pour démontrer qu'il n'est pas coupable. Oui. On a un doute. On parle de la prépondérance du doute ou il y a les expressions... Présomption d'innocence. Présomption d'innocence. La présomption d'innocence. Le rôle des avocats de la défense, c'est de faire exactement comme en science, c'est de traiter l'affirmation. La question, est-ce que l'accusé est coupable, on traite ça comme une hypothèse qu'on essaie de réfuter. Oui. Le plus possible. Et notre système de justice est fondé sur cette approche qui ressemble à l'approche scientifique de réfuter le mieux possible les hypothèses. Oui. Ce qu'on veut éviter, le pire qu'on veut éviter dans les cours de justice, c'est de condamner un innocent. On veut éviter de condamner un innocent à tout prix, et le prix à payer est parfois de libérer un coupable, d'acquitter un coupable. Oui. Donc, c'est la même procédure qu'en science. On traite ça comme une hypothèse, et on a le doute très facile. On veut démontrer la culpabilité, comme on dit, hors de tout doute raisonnable. C'est jamais hors de tout doute absolu, mais c'est hors de tout doute raisonnable. Ouais. Donc, le doute est appliqué de la même façon qu'en science. Donc, c'est une assurance vérité, mais j'ai envie de dire que c'est aussi une assurance vie pour le chercheur ou pour le juge dans son milieu, parce que c'est ce qui va lui donner de la crédibilité. Parce qu'un chercheur qui, au contraire, aurait tendance à faire fausse route, de s'enfarger dans des hypothèses les neutrinos qui allaient plus vite que la lumière, et de continuer sur cette voie-là, puis à un moment donné, on découvre qu'il fait fausse route, il perd sa crédibilité. Oui, c'est une assurance vie pour sa carrière. C'est ça, c'est une assurance vie pour sa carrière. C'est une assurance vie pour la justice aussi. Oui, pour le système la justice, de justice aussi, exactement. Parce que, en justice comme en science, c'est la vérité qui nous intéresse, c'est la vérité qu'on cherche. Ouais. On pourrait discuter longuement sur est-ce que la vérité existe pour vrai, est-ce qu'on invente la vérité, mais on se comprend quand on dit qu'on cherche la vérité en science ou dans une cour de justice. Et le prix à payer, c'est de douter. c'est d'avoir une grande dose de doute et de vivre avec l'incertitude, de vivre avec le doute. Mm-hmm. Mais donc là, c'est comme s'il y avait un équilibre à trouver, parce qu'on a besoin du doute, mais il faut quand même rester, faut quand même avoir une dose de crédulité, il faut quand même croire ce qu'on nous dit, parce qu'on n'est pas des experts en tout. Donc on n'est pas des experts en tout, on croit la littérature. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a un équilibre à trouver entre la crédulité qu'on doit exercer envers certains savoirs qu'on nous donne et en même temps la méfiance qu'il faut... C'est ça la grande difficulté. Puis on le voit dès l'enfance. On voit, comme on évoquait tantôt, un enfant croit au Père Noël. Puis je pense que c'est très utile de compter des balivernes de ce genre-là aux enfants parce que ça leur permet de découvrir dans un contexte non dangereux que tout n'est pas vrai. Il y a des bonnes raisons de douter parfois. Donc, on continue à compter aux enfants que le Père Noël et la Fée des Dents existent pour les entraîner à l'esprit critique. Okay. Et c'est pas difficile seulement chez l'enfant, c'est difficile chez l'adulte. J'aime bien citer le livre de Normand Baillargeon sur l'autodéfense intellectuelle. Mm-hmm. C'est comme ça qu'il l'appelle. Ouais. L'usage efficient, efficace de l'esprit critique, c'est vraiment pas évident. Parce que la tentation est toujours de croire. Et en science, c'est un des dangers majeurs pour la pensée scientifique, c'est le désir de croire. Le chercheur qui désire croire que son hypothèse est bonne, il est mal parti pour pouvoir démontrer lui-même, parce qu'il n'y a pas suffisamment de doute. Ah oui. Le médecin qui est convaincu ou qui veut croire qu'il a découvert un nouveau médicament, il est très mal placé pour essayer de le démontrer. C'est à ses pairs d'essayer de le démontrer en appliquant un doute rigoureux. Mais l'équilibre à atteindre dans nos vies de tous les jours entre le doute et la croyance et la crédulité, c'est toujours difficile. Mm-hmm. On sait que dans une journée normale, dans nos conditions de vie, il y a 1000 façons de se faire avoir, comme on dit. Donc, il y a 1000 raisons de douter, mais on ne peut pas douter de tout. Mm-hmm. Si on croit n'importe quoi ou si on doute de tout, on voit tout de suite qu'on ne peut jamais faire la distinction entre le vrai et le faux, entre la vérité et le mensonge, entre l'illusion et la réalité. Ouais. C'est un équilibre difficile dans tout ce qu'on fait. Mm. Et en tout cas, en science, on est mieux de pêcher par excès de doute que par excès de croyance ou de crédulité. Ouais. Mais cependant, il faut quand même faire attention. Si on pêche par excès de doute, donc excès de scepticisme, faut pas non plus tomber dans aller à outrance là-dedans, parce que après on arrive dans les climato-sceptiques, par exemple. Oh, oui, donc absolument. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Est-ce que c'est parce qu'ils ont exercé leur doute à outrance? J'aime bien l'expression climato-sceptique, parce que pour moi, dans cette expression, moi, je reconnais les trois sortes de doutes. Ouais. D'abord, il y a le doute de la connaissance. Le doute de la connaissance, c'est le doute qui est exercé par des chercheurs spécialistes, des scientifiques sérieux, qui ne remettent pas en doute le réchauffement climatique ni l'importance de l'activité humaine sur le réchauffement climatique, mais ils remettent en doute la qualité des données, la qualité des modèles, la pertinence des modèles, la finesse des conclusions. Donc, c'est des sceptiques qui ont un doute qui part de la connaissance. Ce sont des experts du domaine, de certains aspects du domaine du réchauffement climatique, par exemple, et qui a comme objectif ce doute d'améliorer les connaissances, raffiner les connaissances. Alors ça, c'est le premier doute, c'est le doute de la connaissance. Le deuxième, chez les climato-sceptiques, c'est le doute des négationnistes. C'est le doute de l'ignorance. C'est des gens qui ne sont pas du tout experts dans aucun des aspects du domaine, mais qui, pour des raisons quelconques, ont une opinion très vive, très forte sur le sujet, et là, qui vont jusqu'à remettre en doute. Mais ça, c'est du négationnisme. Ce n'est pas des climato-sceptiques, c'est des négationnistes. Ah ouais. Comme il y a des négationnistes de l'Holocauste. Oui. Il y a des négationnistes de l'évolution qu'on appelle les créationnistes. Mm. Donc, le doute de l'ignorance part de l'ignorance. Entretient l'ignorance. Ouais. Et on a beau leur fournir des montagnes de données probantes, des montagnes de démonstrations pour les faire changer d'idée, ils ne changeront jamais d'idée. Mm-hmm. C'est un dogmatisme, ça ne peut pas changer d'idée. Donc ça, c'est le doute de l'ignorance. Et dans le contexte des climato-sceptiques, il y a aussi les marchands de doute. Mm-hmm. Il y en a eu dans le cas du tabac aussi. Dans le cas du tabac. Dans le cas de l'industrie du charbon. Ouais. Alors, ce n'est pas des ignorants, c'est des gens qui, au contraire, connaissent très bien le sujet. Mais qui vont cultiver le doute. Ils cultivent le doute, ils sèment le doute. Ouais. Puis ils donnent une mauvaise presse au doute. Parce qu'une fois qu'on réalise qu'ils nous ont trompés avec le tabac, par exemple, ou avec le charbon, bien là, on se dit, attention, le scepticisme et le doute, il faut s'en méfier. Il faut se méfier des gens qui doutent. On est mieux de croire les gens qui ont une opinion ferme sur le sujet. Donc, les marchands de doute, c'est très dommageable pour la pensée et la démarche scientifique parce que ça donne une mauvaise presse au scepticisme. Ouais. C'est pour ça que quand on dit qu'il faut bannir les climato-sceptiques, ce que j'aime pas, entre autres, là-dedans, c'est que c'est comme si c'était une critique du scepticisme. Oui, c'est ça. C'est plutôt une critique du doute, de l'ignorance, et non pas du doute de la connaissance. Je vais peut-être vous poser une question piège. Est-ce que je dois croire tout ce que vous avez dit? Non. Non. C'est une des choses que je disais souvent à mes étudiants quand j'introduisais ce sujet-là. Il faut douter de tout ce qu'on entend. Ouais. Moi, j'aimerais pas être passé pour un gourou. Parce que qu'est-ce qu'un gourou? Dans ma définition d'un gourou, c'est quelqu'un qui nous offre de penser à notre place. Donc, il demande, fais-moi confiance. T'as pas besoin de douter. Puis on voit très bien, les gourous des sectes, c'est exactement ce qu'on fait. On essaie de faire d'éteindre le scepticisme des membres qu'on veut recruter. Donc, il faut douter puis de ce que je vous raconte. Je serais désolé que les auditeurs prennent au pied de la lettre ce que je raconte, puis qu'ils disent, voilà la vérité. Ouais. De toute façon, en science, il n'y a pas de vérité absolue. Mais j'ai des opinions qui sont fermes, puis que je peux donner des bonnes raisons de croire ce que je vous raconte. Mais on reste là dans une forme de croyance. Oui, puis éventuellement, là, en science, il y a quand même des appuis scientifiques, des expériences. Donc, c'est pas juste des opinions. C'est pas juste des opinions. Si on se met à douter que l'hérédité est fondée sur l'ADN et que l'ADN est une molécule qui a une telle forme, ou que le soleil est une étoile, si on doute de tout, là, on peut aller nulle part. Donc, il faut même aller jusqu'à douter du doute. Il faut aller jusqu'à douter du doute? Bon, ben, je n'en doute point, alors. Donc, ben, là-dessus, on va conclure. Donc, je vous remercie beaucoup, Cyril Barrette. Vous êtes donc un professeur émérite au département de biologie de l'Université de Laval, et ça, nous n'en doutons point. Merci.